Réminiscence. Ô toi, la vie que j'aime tant, tu m'as offert mille présents, de l'amour les tendres frissons de cet adolescent fripon, et les transports de la naissance quand apparut ma descendance, qui, dans un cri, dit à jamais que j'étais père désormais. Et ces amis indispensables, tous un peu fous mais adorables, sans qui les jours n'ont pas de sens, sans qui les soirs ne sont qu'absence. Coule ces jours d'enfermement, dialoguer solitairement, impitoyable souvenir des temps de drame et de plaisir. La femme et les enfants aimés, les erreurs qu'il faut assumer et les pleurs qu'on a provoqués quand les aveux sont convoqués. Et quand je veux que tout finisse, je m'offre moi-même au supplice, quand sincères les regrets m'assaillent de mes fautes et de mes failles. Au diable mes crises passées, quand je jouis sans arrière-pensée du bonheur de tout terminer, convaincu d'être pardonné. Ainsi défilent les jours sombres d'un vieux confiné dans les ombres, trouble d'un résurgent passé, telle une banale odyssée.